الحمد لله الذي عرف الإسلام بذات السجود الأعلى ورفع شأن المسلمين وتوجهم بتاج النصر والفخر والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله نصر نبيه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون سنتحدث اليوم عن حادثة عظيمة في تاريخ الإسلام وقعت هذه الحادثة في الشهر الذي نحن فيه شهر ربيع الأول سنتحدث عن حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فبعد 10 سنين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن صدع بدعوته وجاهد من أجل رسالته كان أهل قريش قد بلغ حدا من الإيلام لا يقدر ودرك من الأذى والصد لا يتصور وكان المستضعفون من المؤمنين يجأرون بلسان الشكوى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا وكلما حاول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الوصول إلى شيء من هدفه ومقصده إذا بصولة الباطل تتفنن وتتجدد وتزداد وتشتد حتى تكاثر الكفار على المسلمين يسومونهم سوء العذاب يضربونهم ويجلدونهم ويمنعونهم من الطعام والشراب ويجرونهم في الرمضاء حتى هموا بحبس نبينا صلى الله عليه وسلم أو قتله أو طرده كما أخبر الله عز وجل وإذ ينفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين شخص ربكم الله Je vous recommande ainsi qu'à vous-même la crainte d'Allah et son obéissance. Allah dit dans le Coran, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Chers croyants, nous allons parler aujourd'hui d'un événement important dans l'histoire de l'islam. Un événement qui a eu lieu pendant ce mois dans lequel nous sommes, le mois de Rabi al-Awwal. Nous allons parler de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après 10 années de révélation pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et après qu'il ait explosé clairement son appel et combattu pour son message, la violence des gens de Quraysh envers les musulmans avait atteint un degré immesurable et un niveau de haine inimaginable. Et les faibles croyants imploraient Allah Azza wa Jalla en disant, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tentait d'atteindre son but, aussitôt apparaissait l'attaque des gens du faux, les gens de la mécréance. Leurs attaques augmentaient et se renouvelaient. En leur infligeant le pire châtiment, en les frappant, en les fouettant, en les privant de nourriture et de boisson, en les traînant sur la terre brûlante. Et ils ont même pensé à emprisonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tuer ou l'expulser, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Et rappelle-toi, ô Mohammed, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est meilleur en stratagème. Ayyuha al-ikhwatul kiram. Kana Bilal ibn Rabah, Mawla Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. فكان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة ويجرونه حتى كان الجبل أو حتى كان الحبل يؤثر في عنقه وهو يقول أحد أحد وكان أمية يشده شدا ثم يضربه بالعصا ويرجئه إلى الجلوس في حر الشمس كما كان يكرهه على الجوع. وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إلى حمية الظهيرة فيطرحه على ظهره في الرمضاء في بطحاء مكة، ثم يأكل بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول أمية: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. ويقول بلال: أحد أحد. ويقول له: لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. فمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما وهم يسمعون ذلك به، فاشتراه وأعتقه رضي الله عن الجميع. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه مولى لبن مخزوم أسلم هو وأبوه وأمه، فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونه من الأبطح إلى حمية الرمضة فيعذبونهم بحرها. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فقال لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر في العذاب. وطعن أبو جهل سمية أم عمار في قلبها بحربة فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام. انظروا إلى هذا الآية، انظروا إلى هذا الآية. ومع ذلك كان ذلك لا يردهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. Chers musulmans, Bilal ibn Rabah, le célèbre compagnon, le mu'azzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était l'esclave de Umayya ibn Khalaf al-Jumahi. Et Umayya lui mettait parfois une corde au cou et le donnait aux enfants pour jouer avec. Et il se promenait avec dans les montagnes de la Mecque, en le tirant jusqu'à ce que la corde lui laisse des traces au cou, et il se contentait de dire « Ahadun Ahad », c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est l'unique, il est l'unique. Et Umayya ibn Khalaf l'attrapait parfois et le battait à coups de bâton, et l'obligeait à s'asseoir sous le soleil battant, et l'affamait, et il le sortait à l'heure du zénith, le moment où la chaleur est la plus forte, l'allongeant sur son dos, sur le sol brûlant, puis on apportait un énorme rocher que l'on plaçait sur sa poitrine, et Umayya lui disait: Wallahi, tu resteras ainsi jusqu'à ta mort, à moins que tu aies foi en Mohammed et que tu adores Al-Lat ou Al-Uzza. Et Bilal, en entendant cela, continuait à dire: Ahadun Ahad, il est l'unique, il est l'unique. Et il disait: si je connaissais une parole vous énervant plus que celle-ci, je l'aurais dit. Puis Abu Bakr, radiallahu anhu, passa à côté de lui alors qu'il était torturé et l'acheta et la franchit. Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, était un esclave de la tribu des Bani Mahzoum. Et il embrassa l'islam ainsi que son père et sa mère. Et les associateurs, et en tête de ceux-ci, Abu Jahl, les faisait sortir dans le désert au moment où la terre est la plus chaude et il est torturé par la chaleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa un jour à côté d'eux en leur disant: patience aux familles de Yassir, car votre destination est le paradis. Yassir mourut par la torture et Abu Jahl tua Soumaya à la mère d'Ammar d'un coup de lance dans le cœur, et elle fut la première martyre dans l'histoire de l'islam. Donc voyez comment ces gens subissaient de la torture et des violences. Et malgré cela, cela ne les éloignait pas de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun. Amin Allah ta'ala al-Nabihi sallallahu alayhi wa sallam bil hijrati ila al-Madina haythu al-Ansar, al-Aws wa al-Khazraj, alladhina kanu qad qadima jam'un minhum qabla al-hijrati ila Mekka. Falaqiyahum al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam 'inda al-Aqaba, yani 'inda al-Jamarat. Fada'ahum al-Islam fa'aslamu. وكانوا في السنة الأولى 6 رجال، وفي العام بعده 12 رجلا، ودعوا قومه من الإسلام حتى لم تبق دار إلا دخلها الإسلام، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وعلى أن ينصروه ويؤوه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبنائهم، وأن لهم الجنة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة قائلا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي. ويا سبحان الله من بيده مقاليد السماوات والأرض يصرف الأمور كيفما شاء قد أعز عبده ونصر جنده ففتح لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة فتح الله لنبيه بلده فتحا مبينا ودخلها عزيزا مكرما ولما أراد الهجرة جاء إلى صاحبه الوفي وأخيه التقي أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له إن الله قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله فقال نعم شامس المؤمن الله عز وجل a autorisé à son messager d'émigrer vers Médine où se trouvaient les Ansar, les deux tribus de Al-Aws ou Al-Khazraj, dont un groupe d'entre eux avait déjà rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'hijra à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés à Al-Aqaba, proche d'Estel Amina, et les a appelés à l'islam et ils ont embrassé l'islam. La première année, ils étaient 6, puis la seconde année, ils étaient 12. Et ils ont appelé leur peuple à l'islam, et il ne restait plus une maison à Médine sans que l'islam y soit entré. Et ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'écouter, de lui obéir, et de le secourir, et l'accueillir, et de le protéger comme ils se protégeraient eux-mêmes ou leurs femmes ou leurs enfants. Et qu'en échange de cela, ils auraient le paradis dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc laissé la Mecque en disant « Wallahi, tu es l'endroit qu'Allah aime le plus et l'endroit que j'aime le plus et si ton peuple ne m'avait pas expulsé, je ne serais pas sorti, rapporté par At-Tirmidhi. » Donc gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les clés des cieux et de la terre. Ce qui arrive sur terre et dans les cieux, tout a lieu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit sorti de la Mecque, Allah Azza wa Jal l'a renforcé et l'a secouru avec son armée et il lui a ouvert la Mecque pour devenir terre d'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y est retourné puissant et noble. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu émigrer, il est venu vers son fidèle compagnon, son frère vertueux Abu Bakr Siddiq, et lui a dit « Allah m'a autorisé à sortir ». Abu Bakr lui a dit « Je souhaite t'accompagner ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oui, tu m'accompagneras ». Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafi'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه من دار أبي بكر ليلا وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط ليكون دليلا لهما إلى المدينة وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه ووعداه غار ثور بعد 3 ليال وسلماه راحلتيهما وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور حتى إنهم مروا على باب الغار وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاف أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الله تعالى عم عليهم باب الغار ففي الصحيحين أن أبو بكر رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفي ذلك يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنين الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فتأملوا حفظ الله تبارك وتعالى أنبيائه وأوليائه وعظيم قدرته وإعجازه. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. شكرا عباد الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم est donc sorti avec son compagnon Abu Bakr de la maison de ce dernier la nuit. Et ils avaient engagé un guide, Abdullah ibn Urayqit, devant les guider vers Médine. Ils lui ont fait confiance malgré qu'il était associateur. Et ils lui ont donné rendez-vous à la grotte de Thor dans 3 jours en lui confiant leur monture. Et les associateurs, les mushrikines, recherchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont même arrivés jusqu'à la grotte de Thor où était caché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et ils sont même passés devant l'entrée de la grotte et leurs pieds sont arrivés au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr prit peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah leur cacha l'entrée de la grotte. Dans les 2 recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, Abu Bakr nous dit: j'ai vu les pieds des associateurs à côté de nos têtes alors que nous étions dans la grotte. J'ai alors dit: si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra, le prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le troisième? Et à ce sujet-là, Allah dit dans le Coran: si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de 2, quand ils étaient dans la grotte et qu'ils disaient à son compagnon: ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui la sérénité et le soutien de soldats que vous ne voyez pas et abaissa ainsi la parole des mécréants tandis que la parole d'Allah eut le dessus et Allah est puissant et sage. Observez donc, chers musulmans, comment Allah Azzawajal protège ses prophètes et ses proches serviteurs. Et méditez également de la force d'Allah Azzawajal et de sa puissance. Allah nous dit dans le Coran qu'il protège ses serviteurs aimés et rapprochés. Il nous dit: en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah, et il y a pour eux une bonne annonce dans la vie ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et il n'y aura pas de châtiment, il n'y aura pas de changement, pardon, aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Ayyuha al-mu'minun. Kana al-ansar lamma balaghahum khabar khuruj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min Mekka yataharrawnahu kull yawm فيخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من العام 13 من البعثة النبوية وافاهم النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى ففرح المسلمون فرحا عظيما وكبروا بقدومه وقاموا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لم يكن قد رآه من قبل فكان بعضهم يظن أن أبا بكر رضي الله عنه هو الرسول وذلك كثرة شيبه فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام وهي أول ضاحية من ضواحي المدينة وكان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم وبناء مسجد قباء الذي قال الله عز وجل فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فيا لذلك من دلالة بالغة وإشارة سابغة على أهمية المسجد في الإسلام ومكانته وأثره في المجتمع المسلم ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته إلى المدينة فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغب إليه في النزول عليهم ويأخذون بخطام ناقته وهو يقول لهم دعوها فإنها مأمورة إلى أن جاءت موضع مسجده صلى الله عليه وسلم اليوم فبركت فأمر صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفكر أين سيسكن؟ كيف سيعيش؟ متى سيتزوج؟ كيف سيفعل هذا؟ أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد. المسجد أهم من البيوت. مع الأسف الناس في هذا الزمن يظلون في بيوتهم وينسون المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء فكر فيه هو المسجد. فأمر صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معه وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وجعل الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون وهم ينقلون اللبن، ويقول بعضهم: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. شيخ الأنصار les habitants de Médine, en apprenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté la Mecque, ils observaient chaque jour l'horizon et ils sortaient vers les frontières de Médine pour attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le lundi 12 de Rabi' al-Awwal de l'année 13 de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut dans la matinée et les musulmans étaient heureux de son arrivée et l'accueillir avec le takbir et saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la plupart ne l'avaient jamais vu. Certains ont même pensé que Abu Bakr était le prophète à cause de ses nombreux cheveux blancs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tout d'abord resté à Quba 4 jours. Et la première chose qu'il a faite sallallahu alayhi wa sallam est la construction de la mosquée de Quba, à propos de laquelle Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate At-Tawba: une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Donc voilà une preuve évidente et un signe clair sur l'importance de la mosquée en islam et sa place dans la société musulmane. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Montur vers Médine. Et il ne passait pas à côté d'une maison sans que ses habitants ne souhaitent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne habiter chez eux. Il prenait la bride de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur disait: laissez-la car elle est guidée. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête à l'endroit où se trouve la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, et elle s'assit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna que sa mosquée soit construite. Donc vous remarquerez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il pense, sans penser où est-ce que je vais habiter, où est-ce que mes enfants vont habiter, comment je vais m'habiller, qu'est-ce qu'on va manger, la première chose qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tout endroit où il se rendait, c'était la construction de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam participa à la construction de sa mosquée en portant des pierres et des briques en disant: Seigneur, il n'y a d'autre vie que celle de l'au-delà. La aisha illa aisha l'akhira. Allahumma ghfir lil ansar wal muhajira. Allah pardonne aux ansar et aux émigrés. Et les compagnons disaient en portant les pierres et les briques: si nous restons assis tandis que le prophète travaille, ce sera de notre part un acte insensé. Ayyuhal muslimun. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. وضرب الصحابة رضي الله عنهم لنا أروع الأمثلة في ذلك من العفة والإثار، إذ عرض الأنصار على المهاجرين مقاسمتهم في أموالهم ودورهم وثمارهم بل حتى في نسائهم. يطلق الأنصاري إحدى زوجتيه ليتزوجها المهاجرين، ولكن المهاجرين أبوا ذلك كله وآثروا أن يعملوا ويجتهدوا. يقول الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الهجرة النبوية شيء يجدد الإيمان ويبعث اليقين في نفوس المسلمين وتشد العزم وتقوي الأمل. إننا إذا ذكرنا الهجرة النبوية ذكرنا الإيمان القوي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إن صبروا على الأذى، الإيمان القوي والصبر الجميل. وذكرنا كذلك التضحية والفداء والبذل والسخاء والأخوة والإيثار، وأكثر من ذلك أن نذكر نصر الله تبارك وتعالى لأوليائه ومحبته لأصفيائه، وأنه من توكل على الله هداه ومن لاذ بالله كفاه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. شيخ الإسلام. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé entre les Ansar et les Muhajirin dans la maison de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Ils étaient 90 hommes, la moitié parmi les Muhajirin et la seconde moitié parmi les Ansar. Et ils nous ont montré le meilleur exemple de dignité et de préférence. C'est-à-dire qu'ils préféraient qu'un bien arrive à son frère plutôt que ça lui arrive à lui-même. Voilà la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et l'homme parmi les Ansar proposait même à l'homme parmi les Muhajirin de partager avec lui son argent. J'ai 1000 euros, tiens 500 euros. Sa maison, j'ai 2 étages, habite en moi. Même ses récoltes. Mon champ, en divisant deux, la moitié pour toi. Et même de répudier une de ses femmes pour que Al-Muhajirin l'épouse. Mais malgré cela, Al-Muhajirin n'ont pas accepté cela. Ils n'acceptaient pas cela, ils préféraient aller travailler et faire des efforts pour obtenir tout cela. Allah Azza wa Jalla nous parle des Ansar et des Muhajirin dans Surat Al-Hashr en disant: les émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager, ceux-là sont les véridiques. Et également, ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes. Ils les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Chers musulmans, lorsque l'on parle de l'événement de l'Égypte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela fait revivre la foi et donne une certitude dans les âmes des musulmans. Et l'Égypte renforce la détermination et l'espoir des croyants. En se rappelant l'Égypte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rappelle la forte foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et la grande patience et le sacrifice, le don, la générosité, la fraternité et la préférence. Et au-dessus de tout cela, on se rappelle le secours d'Allah Azza wa Jalla pour ses serviteurs rapprochés et son amour pour ses serviteurs élus. Et que celui qui s'en remet à Allah, ce dernier le guide. Et que celui qui cherche protection auprès d'Allah, ce dernier lui suffit. Allah nous dit dans le Coran: Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Et ils te font peur avec ceux qui sont en dehors de lui, et quiconque Allah égare n'a point de guide. Assalamu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawl wa 'amal, wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawl wa 'amal. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا عزيز يا غفار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس أذل البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون ويساهمون لهذا المسجد بأموالهم وأوقاتهم ودعواتهم. اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم، وفي جميع شعوبهم يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا